Racontez un souvenir. Exercice 3. Il me rappelle mon meilleur ami d'enfance, Joseph. J'avais 9 ans quand je l'ai connu. On était dans la même classe, en CM1, à l'école Saint-Vast, à Béthune. C'était en 1985. Il était très gentil et on était toujours ensemble. Le mercredi après-midi, on jouait à des jeux vidéo ou on écoutait de la musique. Quand il faisait beau, on faisait du vélo. On s'amusait beaucoup. Mais 2 ans plus tard, il a dû déménager à cause du travail de son père. Nous étions vraiment très tristes. Alors on a essayé de s'écrire tous les mois. Puis un jour, il a arrêté de m'écrire. Et j'ai arrêté aussi. C'est dommage. Je pense parfois à lui.